Barman, un verre, et vite, s'il te plaît. Je suis pressé. Il y en a trop qui disent qu'ils ont faim, mais ils ont soif. Avec une paille, s'il vous plaît. Merci. Et c'est le premier jus que j'ai bu et je t'assure ça m'a plu. Spur plan, truc blanc, coule du cinéma. Gratuit, jusqu'à ces putains de biscuits que j'ai vu à la télé. Elle m'a dit que ça se payait, ça se cueillait pas, ça se ramasserait pas. Par terre, sous peine de sécher, des gens en avaient tant qu'ils pouvaient pêcher. Des cachalots dans leurs poches. Et puis, moi, j'ai roulé en Porsche. Porter des sables chers sur le torse, après bof. Le lait coule, ça sèche. Et si t'es pas assez solide, t'es HS, c'est le lait. Et c'est le lait. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais qu'il pleuvait du lait. Je voulais du lait. Je m'étais pas dit que c'était aussi laid. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais qu'il pleuvait du lait. J'étais pas dit que c'était aussi laid. Le lait, trop veuille tremper le cul dans le liquide. Ignore c'est comme avoir le trou du cul dans de l'acide. Tu finis avec un colon d'acier à force de chier tes sentiments pour chaque centime. Ainsi dans le ghetto, les jeunes se tuent comme des pros. Déçus d'avoir su trop tôt que c'était pas la solution. Et si tu crois ça, elle et ne partage pas. T'assumeras comment ça se passera avec eux. Car y'en a jamais assez. Toujours quelqu'un assoiffé, jamais assez. Et si t'as 5 verres de lait, fais gaffe à celui qui en a 4, tout comme celui qui en a 6, t'accuses de faire du vice. Ça se trouve, tu fais même pas exprès, tu sais pas que c'est stress. Quand ta meuf veut ses tresses, c'est le lait. Les gens veulent le gueule fort, lorsqu'ils l'on se cache, comme une honte, c'est le lait. Car avoir du lait, c'est lait. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais qu'il pleuvait du lait. J'étais pas dit que c'était aussi laid. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais qu'il pleuvait du lait. Je voulais du lait. Je m'étais pas dit que c'était aussi laid. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais qu'il pleuvait du lait. Je voulais du lait. Je m'étais pas dit que c'était aussi laid. Je voulais du lait. J'étais petit, je rêvais.